Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, un comité qui se réunit en assemblée ouverte tous les 1er, 3e et quand il y en a 5e mercredi du mois à la CNT au 33 rue des Vignoles. Et aujourd'hui, du coup, dans ce programme, on va vous parler d'un certain nombre de choses, mais on va commencer par le Mexique et par un petit retour sur la caravane El Sur Resiste, une caravane qui s'est tenue pendant 10 jours, fin avril, voilà, dans le sud du Mexique, et qui est passée par plein de communautés et de peuples en résistance contre des méga-projets voilà, dans cette partie sud du Mexique. Voilà, une camarade va nous parler un peu de ça et des rencontres internationales qui ont suivi après cette caravane au Caracol Zapatiste Jacinto Canek à San Cristóbal de las Casas, voilà, qui ont eu lieu les 6 et 7 mai, et elle va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé parce qu'elle y était. Elle va aussi nous parler, on va parler de la situation au Chiapas, hein, qui se dégrade de jour en jour, qui ça fait déjà plusieurs années que la situation là-bas se dégrade. Elle voulait nous parler un petit peu de l'actualité de la situation au Chiapas. Et ensuite, on va revenir plutôt sur nos territoires, notre géographie à nous, en France, et plus particulièrement en Île-de-France, avec toutes les luttes autour des violences d'État et des violences policières, avec notamment la création d'un comité vérité et justice pour ces 3 jeunes qui se sont fait renverser par la police dans le 20e, le 13 avril dernier, Safiatou, Salif et Ilan. Voilà, quelqu'un du comité viendra nous parler un peu de ça. Pour finir par les actualités autour de... Pareil, des luttes contre les violences policières à Rennes avec Baba Kargueil et avec voilà, des développements dernièrement dont on va vous parler. Voilà, c'est le programme de ce soir. Bonne écoute et on commence par une petite pause musicale avant de se tourner vers le Mexique et cette caravane. Pause musicale. Porque estoy en órbita y sigo mi propio plano. Tengo a mis estrellas al lado. Intento sacarle brillo pa' que los esfuerzos no sean en vano. Y no es opción válida el amago. Aquí no hay ni buenos ni malos, hay novatos, veteranos. Mi punto de vista, el tuyo es lejano. No te creas ni críticas ni halagos, sino chau, has fracasado. Hay malos tragos. Tengo blindado el corazón. Estoy buscando la armonía con el Tao. Y hasta el altavoz conectado. Así que na, na, na, na, na, na. Esta es la vida que yo hago. Na, na, na, na, na, na, na, na. No tengo reparo, así que apunto y disparo. Y na, na, na, na, na, na. Soy feliz en el sofá con rap americano. Y na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pick up, is a stick up, stick up. Santa from the block, rapeando sin stop. Oh fuck, yo solo le rezo al hip hop. Big Papa on the track, mi fuerza es el rap. Y rapa papa. Perdida en el pretérito, el ojo del huracán. Expreso mi interior y me da igual lo que dirán. Na na na, na na. Ponerle pasión la hace especial. Na na na, na na na, na na. Ese micro me subió al Valhalla. Y na na na na, na na. Esta es la vida que yo hago. Disparo y na, na, na, na, na, na, soy feliz. yo le reto al hip hop. Big up, big up. Está rapeando sin stop, oh fuck. FPP 106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on reçoit une camarade qui est française, mais qui vit depuis plusieurs années au Mexique et qui a notamment pas mal passé de temps au Chiapas. Et avec elle, on veut vous parler ce soir de la caravane El Sur Resiste, le Sud Résiste, qui a eu lieu au cours des dernières semaines, là, fin avril, début mai, dans le sud du Mexique, et c'est une caravane qui s'est terminée par des rencontres internationales dans le caracol Zapatiste Racine Tocanec à San Cristóbal de las Casas. Et pour la petite histoire, en fait, cette caravane, elle nous avait déjà été annoncée par un camarade mexicain qui était venu nous rendre visite en septembre dernier, Mario, qui faisait partie d'une assemblée de lutte des peuples autochtones de l'isthme de Tehuantepec, cette région dans l'état de Oaxaca au Mexique. Et il était venu nous voir pour non seulement nous annoncer cette caravane et ses rencontres internationales, nous y inviter, mais aussi pour commencer à nous parler aussi des méga-projets en cours dans cette partie du Mexique qu'il voulait dénoncer. Notamment donc le couloir transocéanique et le mal nommé Tren Maya. Et c'était aussi le but du coup de cette caravane de passer par tout un tas de géographies où des peuples sont en résistance contre ces projets. Du coup voilà, est-ce que tu veux nous reparler un peu de cette caravane, nous redire dans quel contexte elle a eu lieu, peut-être les retours que tu as eus sur comment elle s'est passée. Par quel territoire cette caravane elle est passée, et peut-être aussi, si tu le veux, revenir sur ces deux méga projets phares que cette caravane visait aussi à visibiliser et à dénoncer, que sont le couloir interocéanique et le Tren Maya. Voilà. Oui, en effet, ça me paraît pertinent de revenir d'abord sur qu'est-ce que sont le couloir interocéanique ou transismique. Il a plusieurs noms, son nom n'est même pas encore exactement défini dans tous les textes officiels. Et celui que tu as effectivement cité, donc le mal nommé Tren Maya, qui sont deux méga-projets pour le premier qui vise à relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Donc c'est un projet de train de marchandises essentiellement, qui traverse donc tout l'isthme de Tehuantepec, qui se trouve, comme tu l'as dit, dans la région de Oaxaca et qui, bien évidemment, a des conséquences désastreuses sur les populations qui vivent dans cette zone. Il y a toute la partie de l'isthme qui est très, très venteuse, toute cette partie autour de Ruchitán, où il y a une quantité hallucinante de parcs éoliens qui ont été construits, qui ont comme objectif, entre autres, d'amener l'énergie nécessaire à ce train et à toutes les entreprises transnationales qui gravitent autour. Et ce qui a été mis en valeur là par la caravane, c'est que ce méga-projet du transismique, il n'est absolument pas déconnecté de ce qui s'appelle donc le Tren Maya. Juste pour le côté historique, en fait, ce transismique, il est prévu depuis très très longtemps. C'est un vieux projet du 19e siècle que Porfirio Díaz voulait déjà mettre en place. Les gouvernements successifs ont réactivé ces projets avec, entre autres, ce qu'on a connu comme le plan Puebla-Panama, etc. Et donc là, c'est dans cette logique-là qu'actuellement López Obrador a réactivé ce projet et a cette volonté de développer, entre guillemets, le sud du pays, ce qui va permettre une interconnexion commerciale notamment, énormément d'avantages pour tout un tas de multinationales. Et avec l'idée qui était la première de rivaliser avec le canal de Panama. Donc de là, ce transismique, il se connecte euh, dans la région de Veracruz, au train Maya. Donc c'est là qu'on voit que c'est un projet global, en fait. Ce sont pas des projets indépendants. Enfin, ceux-là et d'autres, d'ailleurs plus au nord du Mexique, on y reviendra certainement plus tard. Donc ils sont interconnectés. Le train Maya, c'est un objectif de développement toujours entre guillemets touristique, bien que le plus probable, c'est que ces voies ferrées soient utilisées aussi pour l'exportation de marchandises. Et donc il faut bien avoir en tête que ces projets-là, ils vont bien plus loin que de simples voies ferrées, bien que déjà les voies ferrées aient affecté énormément, notamment dans toute la péninsule du Yucatan et l'état de Quintana Roo et de Campeche, ont causé des dégâts terribles, notamment pour ce qui est de la déforestation. Et qu'il faut bien se dire que donc, ce projet autour, il va y avoir une quantité d'hôtels, de bases de loisirs diverses et variées, et que tout ça, eh ben, ça nécessite énormément d'énergie, ça nécessite énormément d'eau, et que donc tout ça va bien au-delà de la construction du train, en fait. C'est qu'est-ce que vont devenir ces zones où il y a des populations indigènes qui vivent depuis des siècles et des siècles et qui se retrouvent déplacées, obligées de quitter leurs terres, souvent expropriées. Et aussi, pour ceux qui restent, on voit bien que l'avenir, ça va être de travailler pour, les hôtels, pour... en tout cas en tant qu'employé en service pour des touristes étrangers, en vivant dans une zone où ils n'ont plus les moyens d'accéder à la vie quotidienne, parce que les prix s'emballent complètement et que ces personnes qui ont habité cette terre depuis toujours sont complètement privées de droits sur leur propre terre. Il y en a beaucoup qui n'ont plus d'accès à la mer, par exemple, des communautés qui ont toujours pêché ou qui ont toujours eu ce contact à la mer sont aussi maintenant privées de ça parce que les plages sont privatisées. Enfin, ça, c'est une autre histoire, mais c'est ce qui va avec ce fameux train Maya. Donc la caravane qui a duré donc 10 jours, du 25 avril au 5 mai, son objectif c'était de visibiliser ces territoires, ces populations, d'entendre leurs revendications, de créer des liens entre les personnes participantes à la caravane et les communautés sur place, aussi de documenter leurs paroles, leur retour, faire des photos aussi pour attester de la catastrophe en cours. Et donc cette caravane, elle a traversé 7 États du Mexique. Donc elle est partie du Chiapas, de la côte du Chiapas, pour ensuite se diriger donc vers Oaxaca et traverser l'isthme de Tehuantepec pour arriver à Veracruz, puis pour continuer dans l'état de Tabasco, en passant par l'état de Campeche pour remonter dans le Yucatan, en redescendant par l'état de Quintana Roo, en retraversant dans l'autre sens par l'état de Campeche, pour revenir au Chiapas, donc en rentrant par Palenque et en se dirigeant ensuite vers San Cristobal. Donc c'est un total de plus de 2600 km. Donc en réalité, c'est quelque chose d'assez énorme, ce que la caravane a réalisé. Pour les retours que j'en ai eus, ça a été difficile, ça a été beaucoup de routes, pas tellement de temps sur place pour pouvoir... documenter encore plus et échanger encore plus avec les communautés présentes, puisque la caravane s'est arrêtée seulement une journée dans chaque lieu. Mais en tout cas, à chaque fois des meetings avec les différentes organisations présentes, des manifestations dans les rues, des cérémonies, des actes culturels. Toutes ces choses ont été réalisées à chaque étape. Donc peu de sommeil, mais beaucoup de travail donc, pour les personnes qui ont participé à la caravane. Et donc en résumé, ce que ces personnes ont pu constater tout au long de cette caravane, c'est que c'est le même mode opératoire, que ce sont des mensonges de la part des gouvernements, des consultations, soi-disant des populations qui ne sont absolument pas ni éclairées ni libres, une imposition de méga-projets, l'expropriation des terres et l'expulsion des personnes récalcitrantes, et tout ça, bien sûr, couplé de militarisation et de répression. Et que tout au long de la route, ce sont des industries, des entreprises étrangères contre les communautés locales. C'est aussi une destruction du tissu social parce que les communautés sont très divisées quant à ces projets, parce que évidemment, comme je vous le disais, les consultations ont su être orientées et on a su vendre à beaucoup de gens ces projets-là comme des projets de développement porteurs d'avenir et de travail pour tous. Donc beaucoup de gens, et peut-être certainement plus dans la partie du Yucatan, sont aussi en faveur de ce train Maya qui devrait apporter le progrès, non, toujours entre guillemets. Ce que la caravane a pu voir, c'est que dans chaque lieu, il y a des personnes qui résistent, il y a des personnes qui s'opposent et qui feront tout, qui donneront leur vie pour protéger la forêt, pour protéger le territoire, pour protéger l'eau et pour protéger aussi leur forme de vie. Donc réellement, ces méga-projets, ils sont assimilés à la mort, car ils sont, comme je vous le dis, cette destruction du tissu social, cette destruction de l'environnement, et en plus, un non-respect, dans bien des cas, des processus judiciaires qui sont en cours, notamment sur une partie du train Maya où il y a jusqu'à maintenant, l'autorisation n'a pas été donnée, les travaux sont censés être suspendus de manière permanente par une décision judiciaire, mais ils ont été construits dans toute illégalité et la déforestation est déjà très très avancée et les travaux sont en cours, donc vraiment, autant le gouvernement n'a eu rien à faire de ces décisions-là. Donc, si vous voulez, je vais revenir peut-être un petit peu point par point par les différents endroits où est passée la caravane pour voir un petit peu mieux quelles sont les revendications des gens dans ces différentes communautés. Donc la caravane, elle est partie de Pijijiapan, sur la côte du Chiapas. il y avait un peu plus de 100 personnes au départ de la caravane qui venaient de différents États du Mexique, de plusieurs pays du monde, ainsi que des organisations des droits humains, des organisations internationales et des médias. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, un meeting à Pijijiapan où les organisations ont parlé de la résistance qui, face aux mines et face à une centrale hydroélectrique, ce qui est quand même assez hallucinant quand on voit que cette zone du Chiapas et dans bien d'autres endroits aussi au Mexique se battent contre les prix élevés de l'électricité depuis des années, avec des factures d'électricité qui arrivent chaque mois avec qui vont de 1000 à 3000 pesos. Enfin, c'est complètement hallucinant pour une conversion, ça fait entre 50 et 150 euros pour des gens qui ont deux ampoules. Donc ça, c'est une des luttes déjà très anciennes de cette zone. Les communautés ont aussi abordé les violences féminicides et aussi dénoncé un projet de gazoduc qui va de Coatzacoalcos au Guatemala, donc, et qui le relie aussi au corridor, au couloir transismique. Donc de là, la caravane, donc dans son premier jour, est partie à Tonala, qui est aussi qui est la ville la plus grande de la côte du Chiapas, où là-bas, c'est aussi la militarisation qui a été dénoncée, en rappelant que le Chiapas compte 147 camps militaires. Beaucoup se trouvent autour des communautés autonomes zapatistes. Et ils ont aussi rappelé comment cette militarisation croissante mais aussi, met en danger la vie des populations locales, mais aussi la vie des migrants, de toutes ces personnes qui traversent donc la frontière entre le Guatemala et le Mexique et qui se retrouvent en proie au crime organisé et aux militaires et à l'immigration, ce qui les force à prendre des routes toujours plus dangereuses. Et donc, les populations migrantes font partie des dizaines de milliers de disparus aussi qu'il y a au Mexique. Ensuite, la caravane s'est dirigée à Puente Madera, qui se retrouve donc dans l'état de Oaxaca, où les populations se battent contre la construction d'un parc industriel, donc qui fait partie cette fois du transismique. Dans un lieu qui s'appelle le Pitayal, où il y a eu une cérémonie donc, pour défendre le territoire. Ça serait 360 hectares qui sont dans les viseurs de ce parc industriel. Et donc, ils ont aussi dénoncé les éoliennes, les mines et donc ce fameux couloir transismique qui sont tous des projets connectés. Non, c'est ce qui est important, c'est ce qui est ressorti de la caravane, c'est l'interconnexion de tous ces projets. Et donc bien sûr, à chaque fois, ont été présentées aussi les avancées et les résistances et les rébellions qu'il y a dans ces différentes zones. Et donc là, à Puente Madera, les communautés participantes ont voulu aussi mettre en valeur l'impulsion des projets en lien avec la protection de la terre, aussi le développement de radios communautaires, etc. Donc une organisation aussi de la population. Et la caravane a donc repris sa route après pour Mogoné Viejo, qui se trouve aussi dans l'état de Oaxaca, où les populations maintenaient un sitting qui s'appelait Terre et Liberté, Tierra y Libertad, depuis 60 jours, donc un blocage depuis 60 jours des voies ferrées de l'isthme de Tehuantepec, car ces voies ferrées sont déjà existantes ici, il faut le préciser. Et donc c'est ça qui affecte cette zone, c'est la modernisation de cette voie ferrée. Et donc eux, ils dénoncent les persécutions policières de la part aussi de l'armée, de la marine, mais aussi du crime organisé. Et ce jour-là était célébré aussi les 13 ans de l'assassinat de Betty Cariño et de Jiri Jacola, qui ont tous les deux été assassinés lors d'une caravane en 2010, le 27 avril 2010, qui se dirigeait donc à San Juan Copala en soutien à la communauté triqui déplacée. Donc la caravane est passée donc rendre visite à ce blocage qui durait donc depuis 60 jours et qui a été expulsé le lendemain par l'armée et la marine après le passage de la caravane. 6 personnes ont été arrêtées de manière très violente. Elles ont depuis été libérées. Le camp a aussi depuis été réinstallé. À ce moment-là, il y a eu un communiqué du Congrès national indigène et de l'EZLN qui dénonçait l'expulsion du camp et la violence utilisée par les différents niveaux de gouvernement. Et la caravane, qui se trouvait déjà dans son point suivant, donc à Veracruz, a organisé aussi un blocage de la route en solidarité avec l'expulsion. Donc la caravane se trouvait ensuite donc à Oteapan, dans l'état de Veracruz, ce qui est donc la partie donc de la côte atlantique. De même, dans cette communauté, les participants et participantes ont pu écouter les commentaires de la communauté qui sont extrêmement préoccupés par la pollution due aux résidus pétroliers, par la croissance toujours plus grande du crime organisé et par 2000 hectares qui sont expropriés donc pour construire le train, les routes, les autoroutes. Et cet endroit-là, en fait, c'est vraiment le circuit donc, qui connecte. C'est une zone très industrialisée donc dans le golfe du Mexique. Et la caravane s'est rendue ensuite un tout petit peu plus loin, à El Bosque. Et donc cette fois, enfin, nous trouvons dans l'état de Tabasco, près de Villahermosa, où ont été dénoncées donc, la pollution des fleuves, la privatisation de l'eau et l'expropriation de terres. Et la communauté d'El Bosque, en fait, se trouve... donc ça, c'est ce qui s'est passé à Villahermosa. Et ils se sont ensuite déplacés à El Bosque, donc, qui est un village côtier et qui est un village qui a été dévoré complètement par la montée des eaux. Une grande partie du village a été détruite. La population a perdu beaucoup de ses biens. L'école a été détruite. Plusieurs rues ont disparu. Je vous invite à aller voir les photos d'ailleurs sur elsurresiste.org. Y a beaucoup de photos de tout ce qui a pu être documenté et les photos d'El Bosque sont très impressionnantes. C'est un des premiers villages donc qui fait face à la montée des eaux et qui est une conséquence directe du changement climatique. La caravane a ensuite continué sa route dans l'état de Campeche, donc en passant par la communauté de la Candelaria, où de même ont été dénoncés les tarifs d'électricité complètement démesurés. C'est une lutte qui dure depuis 16 ans dans cette région-là. Et aussi parce que la Candelaria va être une des stations du train, beaucoup de gens ont été expulsés. Il y a au moins 300 maisons qui ont été vidées, donc les gens ont été obligés de quitter les lieux, hein, évidemment, même ceux qui ne voulaient pas n'ont pas eu le choix. Et il donne aussi le témoignage d'une augmentation assez incroyable des maladies respiratoires et gastriques, donc dues aux travaux, mais aussi à la pollution de l'eau. Et ici aussi une division de la communauté par rapport à ces questions de construction du train. De là, la caravane a continué donc jusqu'à Valladolid, qui se trouve dans l'état du Yucatan, où la population a dénoncé, les organisations présentes en tout cas ont dénoncé une gentrification de la ville, le non-respect aussi des procédures judiciaires en cours, des millions d'arbres, il parle de 9 millions d'arbres abattus donc dans cette forêt millénaire, mais aussi une augmentation de la violence, donc des disparitions, des assassinats, mais aussi de la misère et du coût de la vie. Tout au long de cette route du train Maya aussi, il faut dire que la gestion du train Maya a été donnée à l'armée. Donc toute cette route, tous les travaux, on peut voir des militaires absolument partout qui surveillent la construction des voies ferrées et des différents travaux en cours. Donc c'est une situation stressante et qui nous laisse voir que la population est surveillée non par l'armée. Donc de là, la caravane est redescendue vers Cario Puerto, dans l'état de Quintana Roo, où donc de même, c'est des images de forêts dévastées, un panorama complètement de désolation au milieu de cette forêt gigantesque, où ils ont aussi noté l'impact que le train allait avoir sur les cénotes, sur le terrain en lui-même et sur toutes les espèces endémiques de cette zone, comme le jaguar, le tapir, mais il y en a bien d'autres. De là, la caravane est repartie en direction de Ixpuquil, donc dans dans l'état de Campeche, au milieu d'une gigantesque forêt. Ce village se trouve au milieu de cette grande forêt. C'est aussi devenu une base militaire. On peut voir les militaires qui parcourent la ville, qui sont vraiment absolument partout. Et puis tout un réseau organisé par les entreprises qui font les travaux, donc des espèces de transport des employés. Il y a des centaines de personnes qui travaillent sur les travaux du train Maya actuellement. Et donc là, la caravane a aussi remis des documents aux militaires qui étaient présents pour rappeler la construction complètement illégale de cette partie du train qui a été normalement suspendue de manière définitive par la justice. Donc voilà, enfin c'est pareil, une zone de destruction de la zone humide, de la forêt, expropriation pour construire des hôtels, etc. Et la caravane a enfin fait étape donc à Palenque, au Chiapas, où, selon la même manière qu'ils ont fait dans tous ces villages, dans tous les endroits où est passée la caravane, ça a été à chaque fois de rencontrer, de faire un meeting, de faire des manifestations et de pouvoir donc écouter les revendications des personnes sur place. Donc il y a eu la même chose à Palenque, où de même, ça va être une des stations du train. Donc ils dénoncent toute l'infrastructure qui est mise en place autour, la construction d'un boulevard à 6 voies, et de même des déplacements forcés de population. Donc cette caravane, ça a été la dernière étape de la caravane qui s'est ensuite dirigée à Saint-Cristobal en vue des rencontres internationales du 6 et 7 mai. Donc le 5 mai, il y a eu des discussions entre les intégrants de la caravane qui ont fait un petit peu le bilan de tout ce qui s'était passé. Et en tout cas, ce qu'on peut conclure de cette caravane, c'est qu'il y a des gens qui luttent pour la vie, que le Sud résiste et que la lutte est rude, mais que c'est en tissant des liens et en n'arrêtant jamais de lutter qu'on peut résister. Un grand merci pour ce compte-rendu super détaillé de cette caravane. On va faire une petite pause musicale avant de passer un petit compte-rendu de ce que tu nous racontes, les rencontres internationales qui ont eu lieu à la suite de cette caravane. Pause musicale. Scalpel con MC Luca. Yo. Tira Emiliano. Tira Emiliano. Tira. Tira. Pour dire les choses clairement, je te dirais premièrement que quoi qu'il arrive, j'ai déjà réussi. Demande à mes parents s'ils sont fiers de leur fils. Les sud-américains comme un virus dans le rap français. Du rap de fils d'immigrés latinos prêts pour tout défoncer. Les gènes du combat dans le sang, rien à foutre de faire danser les gens. Sur ce projet argentin, colombien, uruguayen, chilien, péruvien, mexicain. Une seule race métisse, noir, blanc, indien. Autonome comme les FARC, urbain comme les Tupamaros. Indépendant comme le ZLN, les MRTA et Tacl. Je dédie chaque crime, chaque goutte de sang, chaque larme versée sur le papier à tous les combattants des guérillas sud-américaines enfermés pour leurs idées. À la mémoire de tous les disparus, sachez fièrement que les fils ne savouront jamais vaincus. Latinos unidos, ramasser la mencidos. Libertad, o muerte pa mi gente. América Latina, el continente, continente. Continente americano, continente europeo. Distrito Federal, París, Montevideo. Gente sembrada con semilla al suelo. Micrófonos abiertos hablando por el pueblo. You don't know nothing about raza. It's people out there working, surviving with pride and dignity. The raza, homes. Vengo de la tierra donde crecen los nopales. Guerreros que peleaban en pieles de jaguares. La raza de bronce, unida por naciones. Casta de campeones, por generaciones. Uniendo a los pueblos con los campesinos. Haciéndote entender que somos un chingo. Unos viven dentro, con familia afuera. Unos nacen fuera y añoran a su tierra. Otros venden alma para los papeles. Juntar esos billetes, mandarlo pa' su gente. Somos una voz, micrófono y el cable. Somos el sonido de la esquina de la calle. Latinos unidos queriendo armarla, son las iniciales que pinto en mi cuadra. Y siempre que yo pienso en revolución, empiezo yo matando mi televisor. latinos unidos jamás serán vencidos. Libertad o muerte pa' mi gente. América Latina, el continente, continente. Continente americano, continente europeo, Distrito Federal, París, Montevideo. Gente sembrada con semilla al suelo, micrófonos abiertos hablando por el pueblo. Latinos unidos, jamás serán vencidos. Libertad o muerte pa' mi gente. América Latina, el continente, continente. Continente americano, continente europeo, Distrito Federal, París, Montevideo. Gente sembrada con semilla al suelo, micrófonos abiertos hablando por el pueblo. PP 106.3, la jungle des luttes, on reprend avec la camarade qui est en ce moment au Mexique et qui vient de nous raconter un petit peu comment s'était déroulée cette caravane El Sur Resiste fin avril. Est-ce que maintenant tu peux nous raconter un petit peu les rencontres internationales qui ont suivi après cette caravane, qui ont eu lieu le 6 et 7 mai dans le caracol zapatiste Jacinto Canek? Tu y étais, tu as assisté aux échanges, aux prises de parole, à tout ce qui s'est déroulé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vu et vécu? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, ces rencontres internationales ont eu lieu au Caracol Jacinto Canek, qui est aussi le CIDECI. Ces rencontres internationales avaient pour nom Capitalisme corporatif mondial, patriarcat planétaire, autonomie en rébellion. Sincèrement, ça a été un très très beau moment de retrouvailles parce que le CIDECI, comme les caracoles, étaient fermés depuis la pandémie. Donc c'était la première fois depuis 2019, depuis le Combo pour la vie, qu'il y avait de nouveau des rencontres au CIDECI, donc ça a été vraiment, un très beau week-end de retrouvailles, de gens qui se tombent dans les bras, qui se racontent ce qui s'est passé ces dernières années, où en sont leurs luttes, où elles et eux en sont dans la vie, etc. Donc, vraiment, ça a été vraiment un très beau moment, de retrouvailles. Avec objectif d'articuler les actions à venir et de renforcer les réseaux. Donc vous pouvez retrouver toujours toutes les interventions et donc les audios des interventions et les résumés sur elsurresiste.org. Donc à cette rencontre, il y a eu environ 1000 personnes qui ont assisté de 23 pays et puis de tout le Mexique. Et le week-end s'est déroulé en 4 temps. Donc le premier jour, il y a eu donc une première plénière qui a essayé de résumer, de faire un bilan de la caravane. Donc tout ce qu'on vient de dire autour de cette caravane, donc tous les aspects négatifs qui ont pu être relevés sur tout le parcours. Donc l'accaparement des terres et l'accaparement de l'eau, des ressources en général, la destruction de l'environnement, du tissu social, l'entrée du narco, des violences, etc. Et aussi un bilan positif qui a voulu voir que les résistances existent, que le contact existe entre ces luttes, qu'on est nombreux et nombreuses à faire face et que la seule solution, c'est de continuer et d'approfondir nos relations. Dans cette plénière, il y a eu ensuite plusieurs intervenants et intervenantes qui ont pris la parole. Donc d'abord Raoul Sibechi, qui est un auteur-journaliste uruguayen, qui est revenu sur cette idée de l'accaparement du territoire comme quelque chose de systémique, qui est quelque chose qui se passe au Mexique, qui est quelque chose qui se passe en Amérique latine et qui se passe ailleurs dans le monde. Et il parle de quelque chose de systémique parce qu'il voit les gouvernements qui ont recours à la militarisation et à la violence qui vont sur ces territoires. Non, il parle de 40% de terres qui ne sont pas encore occupés par le capitalisme, et que, bah, que c'est ces terres-là qu'ils ont dans le viseur, et que ce sont ces terres-là qui sont protégées et habitées par les peuples originaires aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'intervention de Vilma Almendra, qui est une compañera du Cauca en Colombie, qui a fait un bilan de la situation et aussi des modes d'organisation qu'ils ont trouvés dans cette région. Il y a eu aussi Dilda, une femme du mouvement kurde, qui a rappelé la situation au Rojava, la situation du peuple kurde en général, et qui nous a parlé du confédéralisme démocratique comme une option d'organisation des peuples. Ensuite, il y a eu l'intervention de Anna Esther Cesenia, qui est donc une universitaire économiste spécialisée en géopolitique, qui nous a parlé de la situation de ce sud-est mexicain comme une pièce clé dans le contrôle du territoire depuis le nord, non, notamment par les États-Unis et par cette zone, non, du Chiapas et du sud en général, qui est la porte d'entrée, non, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud vers le nord, donc vers le Mexique et vers les États-Unis. Et enfin, c'est Carlos González qui a pris la parole, qui est donc l'avocat du CNI, et qui est revenu, lui, plus en détail sur les mégaprojets, donc sur le mal nommé train Maya, sur le transsismique, mais aussi sur le PIM, le projet intégral Morelos, qui est un complexe de gazoducs, de centrales hydroélectriques connectées dans le centre du pays, qui traverse aussi trois États, donc Puebla, Morelos et Tlaxcala, contre lequel de nombreux peuples se battent aussi. Donc il est revenu très en détail, en revenant, en donnant des chiffres importants, en citant des articles de la Constitution. Je vous invite vraiment à aller écouter ces différentes interventions qui ont été très très riches. Nous nous sommes divisés en groupes. Il y a eu 10 groupes toute l'après-midi qui ont présenté. L'idée c'était d'avoir différents espaces pour avoir un temps de parole pour chaque lutte qui a voulu présenter quelque chose. Donc il y a eu des choses très très différentes, des présentations sur les luttes au Salvador, en Colombie, au Kurdistan, en Italie, en Grèce. Une espèce de tour du monde avec les participants, les participantes qui ont bien voulu nous partager leurs expériences de lutte. Il y a eu une intervention notamment aussi sur l'implication du gouvernement français dans les méga-projets et l'accaparement de terres en Guyane. Ça a été aussi l'occasion d'une lettre que le CSPCL a fait parvenir à la caravane par rapport à la situation en France, par rapport à la lutte autour de l'eau aussi, en se dirigeant au Pueblos Unidos, on en reparlera plus tard. Et la journée s'est terminée par la projection du film La Montagna, qui a été réalisé durant la traversée des Zapatistes en bateau. Ça a été la clôture de cette première journée. Plusieurs personnes restaient aussi des signes, les délégués, les gens qui avaient participé à la caravane. Les autres étaient invités à retourner dans le logement qu'ils auraient trouvé à Saint-Cristobal. Ça a été un petit peu compliqué en ce sens-là parce que, comme on en reparlera un petit peu par la suite, la situation à Saint-Cristobal est assez compliquée au niveau de la violence qui règne. Donc, il faut prendre quelques mesures avant de pouvoir quitter les lieux, partir en caravane, s'organiser entre les différents participants, participantes, pour que la sécurité de tous et toutes soit assurée. Tout s'est bien passé. On a attaqué la deuxième journée de rencontre, qui a débuté par une organisation en groupe de travail, donc avec 10 tables, 10 groupes différents qui ont de nouveau parlé des luttes de chacun et chacune et qui ont réfléchi collectivement à des solutions et à savoir qu'est-ce qu'on fait face à ces situations. Les résultats donc, des discussions ont été présentés par la suite en plénière. Et la publication des accords se fera prochainement. Donc voilà, soyez attentifs aux publications qu'il pourra y avoir dans quelques temps où la caravane et les participants à la rencontre communiqueront aussi plusieurs dates et plusieurs actions de ce qui se passera par la suite. Et enfin, la rencontre s'est terminée par... la déclaration finale donc des participants à la caravane qui font donc le bilan de tout ce qui a pu être documenté au cours de la caravane, ainsi que par un communiqué des délégués du Congrès national indigène qui avait aussi participé à la caravane. Donc toutes ces déclarations, communiqués sont disponibles toujours sur le même site elsurresiste.org, aussi sur le site du Congrès national indigène et sont en cours de traduction en français. Elles seront très bientôt disponibles. Donc voilà, en résumé, ça a été un week-end très riche, très intense, avec beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges. Et aussi beaucoup de joie de se retrouver et de voir qu'on est toujours là et qu'on continue cette lutte. Et merci beaucoup pour tous ces retours. C'est très intéressant d'avoir un peu les retours d'une personne qui a été sur place. Nous, on a suivi surtout à distance et on a quand même essayé de relayer un petit peu les informations. Il y avait un site de la caravane El Sur Resiste qui avait été mis en place avec des petites traductions. Donc, on a essayé de diffuser ça déjà. Vous pouvez retrouver ça sur notre Facebook du CSPCL, c'est CSPCL Paris. On a retransmis un peu le matériel traduit qui est ressorti de cette caravane avec les différentes étapes jour par jour, etc. Est-ce que pour continuer, tu voudrais aussi maintenant nous parler plus généralement de la situation au Chiapas, dont on sait qu'elle est en constante dégradation depuis maintenant plusieurs années, avec plus récemment là des développements par rapport aux narcos qui sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans l'état de Chiapas. Toi, ça fait quelques années que tu y vis. Est-ce que tu peux nous revenir un peu là-dessus et nous dire un peu comment tu as vu évoluer la situation et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, en effet, tu fais bien de rappeler les traductions qui ont déjà été faites. Il y a eu un gros boulot de fait par des membres francophones de la caravane. Donc moi, je tiens à préciser que je n'ai pas participé à la caravane, j'ai participé à la rencontre. La caravane, je l'ai suivie aussi de près, mais à distance. Et donc la rencontre, elle nous a permis de rencontrer ces personnes francophones qui avaient participé aux traductions. Et on s'est rassemblés parce qu'on bosse toujours avec la commission de traduction du Voyage pour la vie. Enfin, on avait un collectif déjà de traduction avant qui traduit les textes de l'EZLN, les textes du Congrès national indigène. Les déclarations importantes qui sont faites. Et donc là, on a trouvé cette bande qui a suivi de près la caravane et qui est prête à continuer. Donc c'est super aussi, c'est à ça que servent ces rencontres internationales, non, à continuer à tisser du lien pour nous renforcer. Et donc la situation au Chiapas, comme tu l'as dit, elle se dégrade. Beaucoup de gens parlent de l'année 2016 pour l'augmentation des violences dans cette zone et notamment de l'incursion du narcotrafic avec une augmentation très forte de la violence après le Covid. Donc effectivement, aujourd'hui, elle est désastreuse. Donc c'est même le titre du rapport qui a été remis au Fray. Eh ben non, le centre des droits de l'homme, Fray Bartolomé de las Casas, qui est le centre des droits de l'homme de San Cristobal, qui a donné sa conférence de presse annuelle le mardi 9 mai et qui a rendu un rapport de 130 pages qui est téléchargeable, qui fait état de la situation du Chiapas en général. Et le titre du rapport, c'est « Chiapas, un désastre entre violence criminelle et complicité de l'État ». Donc ça vous donne une idée un petit peu de comment est la situation ici. Donc au Chiapas, en général, ce qu'on voit, c'est une militarisation croissante, une criminalisation des défenseurs des droits humains, des violences envers les journalistes, ces mêmes programmes assistentialistes qui sont partout, donc ce fameux Sembrando Vida, Cosechando Muerte, non, c'est ce qui met derrière, donc semer la vie, récolter la mort, c'est le résumé qui est fait, non, pour ce type de programme. Donc des militaires, la garde nationale, la frontière sud extrêmement militarisée, les migrants chassés en permanence, le crime organisé qui s'installe partout, une restructuration des territoires parce que des cartels du nord, donc on évoque le cartel Nouvelle Génération Jalisco et le cartel de Sinaloa qui sont tous les deux présents au Chiapas et qui se disputent ce lieu de passage. Parce que bon, donc il faut bien situer le Chiapas, frontière avec le Guatemala, première entrée depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale vers le nord. Donc il y a une dispute pour le contrôle de ces territoires et pour contrôler absolument tout ce qui passe, que ce soit des êtres humains, des marchandises, de la drogue, etc. Le Chiapas, il y a une violence généralisée dans plusieurs lieux. Le Fraiba aussi de nouveau parler dans son rapport des situations dans les communautés de Aldama et de Chalchihuitan, où la violence armée est très forte, les groupes paramilitaires qui tirent sur la population, qui visent à la déplacer. Donc il y a énormément de déplacements forcés au Chiapas, des milliers de personnes qui ont été déplacées par la violence, des groupes paramilitaires qui agissent en toute impunité et même en lien avec les différents gouvernements. Il y a beaucoup de blocages aussi des routes. Ça, c'est peut-être autre chose, mais c'est une manière pour les gens d'exprimer aussi leur mécontentement envers les gouvernements. Donc les déplacements sont aussi difficiles. Et aussi quelque chose qui est très courant, c'est la fabrication de coupables le recours à la torture pour faire avouer, non, des innocents, et que le Fraiba dénonce comme étant une pratique systémique. D'ailleurs, à ce sujet, plusieurs fois pendant la caravane et puis ensuite pendant la rencontre, les organisations ont dénoncé la situation de Manuel Gómez Vázquez, prisonnier politique qui est basé à Puyzapatis, qui est donc en prison depuis 2 ans et 4 mois. Donc il est accusé d'homicide, hein, il a été intercepté par un groupe armé, puis torturé, puis ensuite remis à la police. Il est depuis enfermé sans procès. Et il y a peu de temps, le Conseil de bon gouvernement a émis un communiqué, a procédé à une investigation fouillée et a prouvé son innocence. La fabrication de coupables. Et donc il y a aussi une lutte internationale qu'on vous invite donc tous à soutenir aussi pour la libération de Manuel Gómez Vázquez. Et puis pour finir ce tour d'horizon du Chiapas, la ville de San Cristobal, donc là où je me trouve actuellement, On a pu noter ça, vraiment une augmentation démesurée de la violence ces dernières années. C'est une ville qui était assez sûre. Il y a encore quelques années où il était assez facile de se promener, de rentrer tard le soir sans avoir de problème. Donc c'est plus le cas là, sincèrement. On évite les déplacements. Les déplacements non nécessaires, on va dire. On fait attention. C'est difficile à décrire parce que c'est pas très très clair. Les intérêts sont pas très clairs, mais en tout cas, il y a des groupes armés en lien avec la présidence municipale, d'autres groupes armés qui se défendent le contrôle de certaines terres, des différents marchés. Il y a 15 jours, un des leaders d'un des marchés a été assassiné et la réponse a été qu'un groupe armé qui s'appelle ici les Motonetos, les gens réfléchissent aussi à un autre nom pour ces groupes-là, qui sont pas vraiment. C'est difficile de déterminer. En fait, ils vont avec le plus offrant, c'est des jeunes à qui on propose de l'argent, un flingue et une moto et de semer la terreur, qui ont été. Qui ont commis plusieurs assassinats, des vols à main armée, etc. Donc, suite à l'assassinat de ce leader d'un des marchés qui était visiblement en lien avec la présidence municipale, ça a déclenché une vague de violence. Donc c'était il y a une quinzaine de jours, trois semaines, où toute la journée, il y a eu des milliers de balles qui ont été tirées dans la périphérie de San Cristobal, donc de la... mais donc très impressionnant en fait. Donc ça met, il y a eu des morts ce jour-là. Il y a eu peu de morts en réalité. Il y a eu trois morts, ce qui est relativement peu, enfin officiellement, par rapport aux milliers de balles qui ont été tirées réellement. Donc on voit qu'il y a une volonté de semer la terreur. Et ça fonctionne parce que les rues sont vides. Les commerces ferment, des gens s'en vont. C'est vrai que depuis ces trois dernières semaines, il y a cette angoisse un peu qui s'est installée sur la ville. Donc voilà le bilan autant San Cristobal que Chiapas est vraiment sombre. Après, comme toujours, il y a des résistances qui se créent, il y a des groupes qui se créent, il y a des discussions qui sont mises en place dans différents lieux. Il y a eu une discussion l'autre jour à la librairie La Cosecha, pour ceux qui connaissent, avec de nombreuses données sur la situation de violence au Chiapas et aussi de savoir comment on y fait face collectivement. Donc, il y a toute une partie aussi de la population qui s'organise contre la violence. Merci beaucoup. Et peut-être pour finir, on avait une question aussi pour toi par rapport à la lutte, aux luttes pour la défense de l'eau qui ont cours au Mexique, mais aussi par ici. Bon, là, dernièrement, évidemment, les gros titres, c'était autour du combat contre les méga-bassines, Sainte-Soline, les soulèvements de la terre. Au Mexique, en fait, il y a également pas mal de luttes autour de la question de l'eau. On avait notamment été en contact avec un groupe qui s'appelle Pueblos Unidos, qui avait organisé une autre caravane, cette fois l'année dernière, sur la question de l'eau. C'était aussi par rapport à cette lutte qui a eu lieu contre la filiale de Danone, Bonafont, dans l'état de Puebla, avec l'expropriation et l'occupation d'une usine d'embouteillage de Bonafont, qui avait plus tard été expulsée, mais cette usine, à l'heure d'aujourd'hui, elle, elle est encore à l'arrêt, donc c'était une lutte assez inspirante. Et cette année, justement, les personnes qui avaient lutté contre Bonafont s'appelaient à une action, à des actions décentralisées un peu partout, et nous, on était relativement concernés puisque Danone a son siège à Paris, en France. Donc voilà, il y avait eu des petites choses de fait par rapport à ça dans notre géographie, mais également une mise en lien entre ces luttes qui ont cours au Mexique, voilà, pour la défense de l'eau, et celles qui ont cours ici, et donc non seulement contre les mégabassines, mais aussi à Vittel, à Volvic. Et toi, du coup, tu as des origines d'Auvergne, et tu connais bien le dossier Volvic. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ça et nous raconter un peu ce qui s'y passe là-bas et quelles sont les actualités par rapport à ces luttes pour la défense de l'eau en France et peut-être au Mexique, si tu veux faire le lien avec tout ça? Oui, bien sûr. Donc la rencontre, ça a été aussi l'occasion de retrouver certains membres de Pueblos Unidos, donc comme tu l'as dit, de la lutte contre Bonafont, contre Danone, contre cette usine d'embouteillage, et de faire un petit peu le point aussi avec eux. Comme tu l'as dit, l'usine est toujours fermée. Ils ont été expulsés de l'usine qu'ils avaient occupée pour créer un lieu de rencontre, donc la Maison des Peuples, où il y avait eu de nombreux ateliers, et vraiment un lieu de vie pendant plusieurs mois. Qui avait été expulsé par les forces armées. Depuis, l'usine est toujours à l'arrêt. Elle est toujours gardée par des corps de sécurité privés habillés en Robocop, qui sont assez impressionnants et qui gardent ces bâtiments. Et la position de Danone là-dedans, c'est de dire que non, c'est bon, le puits ne sera pas réouvert, mais que par contre, ils aimeraient bien utiliser ces locaux pour stocker de l'eau de la marque, donc Bonafont, provenant de d'autres régions. Ce à quoi, évidemment, les Pueblos Unidos s'opposent catégoriquement, parce qu'ils ne veulent pas que l'eau soit extraite chez eux, mais ils ne veulent pas non plus cautionner le stockage de l'eau de d'autres régions, et voilà, cautionner la privatisation par Danone. Donc ça a été très chouette de se retrouver. Moi, c'est des gens que j'avais rencontrés pendant la caravane pour l'eau de l'année dernière. Et on avait depuis déjà quelques temps, avant cette caravane de l'année dernière, tenté de faire des liens entre les luttes pour l'eau au Mexique et en France. Et notamment, comme tu l'as dit, avec Volvic, puisque c'est aussi Danone. Volvic appartient aussi à la marque Danone. En Auvergne, y a aussi une lutte contre ce géant qui n'est pas du tout de la même ampleur, puisqu'il n'y a absolument pas l'idée d'une mise à l'arrêt de l'usine, mais plutôt des contestations de la part des habitants et de la région plus en général, parce que l'Auvergne est en crise hydrique depuis... ça n'a jamais arrêté, en fait. Il y a des régions qui ne sont pas exactement à côté de Volvic, mais un petit peu de l'autre côté, dans les monts du Forez, qui sont des régions, des zones où il neige, où il pleut beaucoup. Cette année, il n'a pas plu, il n'y a pas eu suffisamment de neige, donc c'est des villages qui sont alimentés en eau, les châteaux d'eau sont alimentés par des citernes depuis cet hiver. Donc en fait, la sécheresse a commencé cet hiver, et là, on imagine bien que l'été qui arrive va être très compliqué. Et d'autre part, vous imaginez bien que la réponse à cela, c'est l'idée de creuser deux mégabassines. Dans la plaine qui se situe, je ne sais pas, à une quarantaine de kilomètres de Volvic, mais donc la plaine de la Limagne, qui est connue notamment pour son exploitation par l'Imagrain, donc filiale de Monsanto, pour faire pousser du maïs. Donc vous imaginez bien que le maïs... ne pousse pas en juillet et août en France, que c'est une plante qui a besoin d'énormément d'eau. Et donc, ce qui est dénoncé surtout, c'est ces restrictions d'eau auxquels font face la population, alors que les grandes filiales comme Danone et Limagrain peuvent puiser sans fin ou alors avec très très peu de restrictions pour pouvoir continuer à fabriquer des bouteilles en plastique, pour pouvoir continuer à arroser du maïs destiné à la création de graines ou à l'alimentation des animaux. Et comme tu l'as dit, le lien a aussi été fait donc avec Vittel, avec ce collectif qui se bat contre Nestlé, qui a eu déjà plusieurs victoires. Et je crois que lors du rassemblement à Sainte-Soline, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que toutes ces luttes ont enfin pu, enfin Vittel et Volvic en tout cas, ont enfin pu se rencontrer. Et donc pour l'instant, il y a un échange en tout cas via vidéo, via lettres de soutien entre ces différentes luttes pour l'eau. Et c'est des liens que les différents collectifs entendent poursuivre et approfondir. On n'a pas encore la date officielle, mais les Pueblos Unidos me racontaient que fin août, il doit y avoir donc une troisième assemblée pour l'eau, donc dans la région de Xochimilco, qui se trouve au sud de la ville de Mexico, et qui serait l'occasion une nouvelle fois de partager autour de ce thème qu'est la lutte pour l'eau. Voilà, donc en espérant qu'on puisse continuer à tisser des liens, qu'on puisse continuer à s'unir pour résister, parce que le défi est grand, mais ce qu'on peut retenir de cette caravane et de ces rencontres, c'est que l'hydre est monstrueuse, mais qu'on est nombreux et nombreuses et qu'on va savoir faire face en réinventant les modes de lutte. Eh bien, un grand merci pour tous ces partages, à la fois sur cette caravane, les rencontres internationales, la situation au Chiapas, et également les luttes autour de la défense de l'eau. C'était très chouette. Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avant de repartir vers notre géographie pour parler des luttes contre les violences policières en France et notamment en Île-de-France. Voilà, ce serait après la pause musicale. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Escúchalo. Siguen pasando y seguimos en el camino. Aquí y seguimos en el camino. Allá enciendo una vela por la esperanza. Y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza. Sí, un mar de luces avanza. Hoy esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. FPP 106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on voulait vous parler aussi d'un autre sujet, qui est la création d'un comité vérité et justice pour Safiatou, Salif et Ilan, voilà, lié à des violences policières qui ont eu lieu dans le 20e mi-avril dernier. Et voilà. Et pour ça, on a quelqu'un qui nous vient de ce comité et qui va nous raconter un petit peu, nous dire de quoi il s'agit, revenir sur les faits. Et si tu peux également, nous réexpliquer, non seulement les faits, mais dans quel contexte s'est créé ce comité et maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour la suite et comment on peut vous soutenir. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de Safiatou, Salif et Ilan. Donc, moi, je m'appelle Mathieu. Je suis un habitant du 20e arrondissement, membre aussi d'un collectif qui s'appelle 20e Solidaire avec tous les migrants et toutes les migrantes, qui lutte notamment avec le collectif de sans-papiers du 20e pour la régularisation des sans-papiers, l'égalité des droits, ce qui nous amène à nous engager contre le racisme. Et ce collectif-là, dont je suis membre, fait partie donc du comité Vérité et Justice pour Safiatou, Salif et Ilan. Donc Safiatou, Salif et Ilan sont trois jeunes du 20e arrondissement, du quartier de La Réunion. Safiatou et Salif sont frères et sœurs. Elle a 17 ans et lui, il a 13 ans. Et Ilan est leur ami et voisin, et lui a 14 ans. Tous les trois roulaient en scooter le 13 avril rue de Bagnolet dans la soirée. Ils rentraient de la mosquée, donc c'était pendant le Ramadan. Ils ont été ce jour-là pris en chasse, alors qu'ils passaient à côté d'une voiture de police. Ils ont été pris en chasse par cette voiture de police qui les a renversés. Ça les a évidemment jetés très brutalement au sol, le choc d'un véhicule de police, d'une voiture quoi, contre ce scooter. Ils ont été blessés par ce choc. Safiatou est encore à l'hôpital actuellement. Elle a passé tout ce temps depuis cet accident, une bonne partie en soins intensifs. Elle en est sortie, heureusement, mais elle est encore blessée à l'estomac, aux côtes, aux reins. Encore en train de se remettre. Salif, de son côté, lui, est sorti beaucoup plus tôt de l'hôpital, mais encore très traumatisé par l'événement et blessé. Et Ilan est également blessé, il boite toujours et lui aussi traumatisé par cet événement. Non seulement ils ont été renversés, jetés au sol très durement, mais les policiers, alors qu'ils voyaient très bien que c'était des enfants qui venaient dont ils venaient de mettre la vie en danger. Ils se sont jetés au sol directement, les ont maintenus au sol comme si c'était de dangereux terroristes plutôt que de les aider. Ce jour-là, la police a failli tuer trois enfants du 20e arrondissement et a tout fait pour le cacher. A mis la pression immédiatement sur les familles, sur les trois jeunes, pour que ce soit la vérité de la police qui sorte ce jour-là. Mais heureusement, il y avait aussi, quand la police a renversé ces trois jeunes, il y avait des personnes très courageuses qui sont devenues des témoins de ce qui s'est passé. Je pense notamment à Méline, qui ce jour-là, non seulement voyant la police prendre en chasse un scooter avec trois enfants sur ce scooter, a tout de suite senti qu'il pouvait y avoir un danger, a suivi cette voiture et a filmé ce qui s'est passé. Et donc, grâce à elle, on a su que la voiture avait renversé les trois jeunes. On a su que la police, plutôt que de les assister, les a se jeté dessus pour les maintenir au sol et probablement aggraver encore leur cas. Et grâce à Améline et son courage et ses réflexes ce soir-là, la vérité est très vite sortie dans plusieurs médias, notamment Street Press et Mediapart. Et donc, on a su ce qui s'était passé. Et il faut savoir, dans le 20e, il y a beaucoup de violences policières. On peut ne serait-ce que parler de quelques exemples qui les illustrent, notamment le cas de Lamine Dieng qui avait été tué en 2007, étouffé par plusieurs policiers alors qu'il avait 25 ans. Les cas de Boubacar et Fadigui, qui sont deux jeunes du 20e, 25 ans, 31 ans, tués en 2022 sur le Pont Neuf. Alors c'est pas dans le 20e, mais c'est bien deux jeunes du 20e, pardon. Ils ont été tués de plusieurs balles sur le pont Neuf par un policier. On compte plus les passages à tabac, les descentes dans les foyers de travailleurs, les multiples contrôles aux faciès, le harcèlement pendant le confinement qui a mené à des niveaux d'amende ahurissants pour certaines familles. On parle de dizaines de milliers d'euros. Les policiers juste balançaient des amendes sans même que les jeunes soient au courant. Ça, tout ça a fait qu'il y a eu une réaction par rapport à ce qui est arrivé à Safiatou, Salif et Ilan. Il y a eu l'expression très rapide de la solidarité dans le 20e arrondissement, qui s'est notamment illustrée par l'organisation, dès le 26 avril, d'une première réunion qui a rassemblé plus de 200 personnes, dans laquelle il y avait de nombreux habitants, habitantes. Il y avait des jeunes, des amis de Safiatou, Salif et Ilan. Il y avait évidemment les familles de Ilan et de Safiatou et Salif, tout un ensemble d'organisations, d'associations, de partis, de syndicats, de militants et militantes du 20e arrondissement qui se sont rassemblés ce jour-là, où on était plus de 200, pour organiser justement ce comité vérité et justice. Et ça a été un moment très fort, durant lequel les familles ont partagé leur douleur, mais aussi leur détermination à obtenir vérité et justice. Méline a parlé ce jour-là de ce qu'elle a vu, de pourquoi elle a réagi. Et ça a ouvert la parole à d'autres témoignages de familles dont les enfants ont été blessés, ont subi des contrôles policiers multiples et quotidiens, sont harcelés par la police. Et ce qui est aussi très vite sorti, c'est la détermination de toutes ces personnes, très représentative de ce qu'on ressent dans les différents quartiers du 20e, de vouloir que ça cesse, de s'organiser nous-mêmes pour que ça cesse, ces violences, pour qu'il n'y ait plus la possibilité pour la police dans les quartiers du 20e de blesser, d'harceler sans réaction, de se donner la confiance, le courage et les moyens de réagir. Et aussi, évidemment, surtout, de faire en sorte que vérité et justice soient obtenues pour Safiatou, Salif et Ilan et leur famille. Ça a mené à l'organisation, dès le 7 mai, d'une très belle marche. C'était dimanche dernier, sous la pluie, plus de 1000 personnes qui ont parcouru les rues du 20e arrondissement, partant de la place de la Réunion, le quartier de Safiatou, Salif et Ilan, pour passer ensuite dans le quartier Saint-Blaise, qui est également un quartier dans lequel il y a énormément d'harcèlement et de violences policières, pour ensuite passer rue Bagnolet, où les trois jeunes ont été renversés par la police, aller ensuite devant le commissariat du 20e, pour finir enfin à la mairie, pour à la fois montrer notre détermination à obtenir vérité et justice. Pour Safiatou, Salif et Ilan, à montrer notre détermination à dire que leurs familles ne seront pas seules, ni maintenant, ni pendant tout le combat qu'elles vont devoir mener, et aussi montrer à tout le monde dans le 20e qu'on est prêt, qu'on est prête à faire que ça cesse, à s'organiser pour que ça cesse. Et c'est pour ça que dans les prochaines semaines, il va y avoir des réunions publiques dans le 20e arrondissement pour informer le plus grand nombre de ce qu'il faut faire, de comment il faut réagir, des moyens dont on dispose pour réagir quand on est témoin de violences policières, quand on subit des violences policières, se donner la confiance pour en parler, pour s'organiser par rapport à ça. Également pour informer le plus grand nombre de la nature des violences policières, mais évidemment du combat que mènent les familles qui en sont victimes. Et de à quel point ça nécessite qu'on soit solidaires, qu'on soit nombreux et nombreuses à leur côté, et qui rappelle aussi l'importance dans ces moments-là de l'organisation locale, là où on vit, de faire en sorte entre voisins, voisines, entre amis, entre familles, dans les quartiers, dans les rues, là où on a, de s'organiser ensemble, de montrer que c'est nous la solution par rapport à ces violences-là, qui sont évidemment à mettre en écho avec le développement du racisme, qui est encouragé on le voit tous les jours par ce gouvernement, par la politique de Darmanin, par la politique de Macron, la nécessité de faire reculer ce racisme-là qui ouvre la voie encore plus à ces violences policières et qui laisse penser à ces policiers qui n'y aura pas de réaction. Donc voilà où on en est. On espère très bientôt que Safia Tou pourra sortir de l'hôpital et qu'elle ira bien. Que également Salif et Ilan aient le moins de séquelles possible, puissent à nouveau pouvoir profiter de la vie comme on doit pouvoir le faire à un âge si jeune avec ses amis, etc. Et de se sentir entouré dans leur quartier, mais également dans d'autres quartiers du 20e. Et c'est ça que va organiser ce comité Vérité et Justice. Et à ce titre-là, on invite tous les habitants et tous les habitants du 20e à participer à ce comité de Vérité et Justice, à participer aux réunions, à participer aux différents événements, à venir aussi proposer des choses. Il va y avoir par exemple un repas solidaire le 28 mai à la cantine des Pyrénées. Toute initiative sera bienvenue pour démontrer cette solidarité. Le combat pour la vérité et la justice de Safia Tou, Salif et Ilan, le combat de leur famille va être un très long combat qui va nécessiter que chacun, chacune y participe, y apporte quelque chose. Mais on sait qu'encore plus le combat pour que cessent ces violences policières va être un combat encore plus long et probablement encore difficile. Encore plus difficile, mais qu'ensemble on peut gagner. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi Mathieu d'avoir pris le temps de venir nous partager ces informations et évidemment grosse pensée et force à Safia Tou, Salif et Ilan et leur famille dans ce combat du coup maintenant qui s'amorce pour la vérité et la justice par rapport à ces violences et ce qui sont passées le 13 avril dernier. Et du coup, pour continuer, on va rester sur un sujet similaire et toujours voilà, ces violences d'État et ces violences policières qui s'exercent. Et cette fois-ci, on va repartir pour Rennes. Et voilà, en fait, la semaine dernière, il y a une nouvelle décision de justice qui a été rendue dans l'affaire Babacar Gaye. C'était un jeune Sénégalais de 27 ans qui a été tué par 5 balles d'un policier dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015 à Rennes. Et aujourd'hui, on a une camarade du collectif Paris Ayotzinapa, qui est un collectif qui, comme le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye, fait partie de ce réseau qui s'appelle le Réseau d'entraide Vérité et Justice. Et voilà, cette camarade, elle va nous parler un peu de cette nouvelle décision judiciaire, qu'est-ce qu'elle implique, et elle va lire le dernier communiqué de la sœur de Babacar, Hawa Gaye. À toi. Oui, bonjour à toutes et tous. En effet, la semaine dernière, il y a eu une nouvelle décision de justice concernant la mort de Babacar Gaye. Quand on connaît les fonctionnements de la justice en France, lorsqu'un policier est accusé de violences policières ou de meurtre, cette nouvelle n'est pas une surprise, mais elle est tout de même révoltante. Ce mercredi dernier, le 10 mai, Hawa Gaye, la sœur de Babacar, a appris par la presse que le juge d'instruction chargé de dossier sur le décès de son frère avait rendu une ordonnance de non-lieu. D'après la justice française, les policiers auteurs des tirs a agi en état de la légitime défense. Cette décision confirme ce qu'on sait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire l'existence d'une justice à deux vitesses et le mépris de la justice française pour les familles des victimes de violences policières. 12 jours après cette nouvelle, le vendredi 12 mai, Hawa Gaye ainsi que ses avocats ont publié un communiqué que nous souhaitons partager avec vous. Communiqué de presse du collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye, par Hawa Gaye et ses conseils, Maître Muriel Ruff et Lucie Simon. Hawa Gaye a, ce jour, vendredi 12 mai 2023, interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu concernant la mort de son frère Babacar devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. La nouvelle de la décision judiciaire lui est parvenue par voie de presse et ce n'est que le lendemain qu'elle a été rendue destinataire de l'ordonnance motivée. Le choc, après plus de 7 ans d'un combat judiciaire porté à bout de bras, est grand. Hawa Gaye dénonce une communication médiatique dirigée par les parquets et irrespectueuse des droits de la partie civile. Surtout, la motivation de l'ordonnance est critiquable à plusieurs égards. tant sur les critères d'appréciation de la légitime défense que dans l'absence de prise en compte des conclusions de l'expertise médico-balistique indépendante qu'elle a produite. Elle laisse la partie civile avec des questions irrésolues et les sentiments d'une justice partielle. Comment se fait-il que 8 policiers formés soient dans l'incapacité de maîtriser un homme seul et en détresse? Comment Babacar, qui venait de recevoir un premier tir létal lui ayant perforé les poumons, pouvait-il représenter un danger d'une telle immédiateté qu'il fallait nécessairement lui asséner 3 étages plus haut, 4 balles dans le corps? Pourquoi les tirs sont-ils tous en trajectoire descendante, laissant penser que le tireur se trouvait en aplomb de la victime, alors que ce dernier affirme avoir été en face de Babacar et sur les mêmes paliers? Pourquoi la fesse de Babacar a-t-elle été perforée alors que le tireur prétend lui avoir toujours fait face? Pourquoi l'arme ayant servi à tuer Babacar a-t-elle été immédiatement détruite? Où est la dernière balle qui n'a jamais été retrouvée? Aguagué est convaincue, comme elle n'a eu de cesse de l'éclamer pendant une instruction qu'elle a été seule à alimenter par des demandes d'actes, de l'absence de légitime défense du policier tireur. La seule réponse apportée par la police après l'appel de secours a été de cribler son corps de 5 balles, puis de les menotter pendant qu'il gisait dans son sang à l'arrivée des pompiers. Cette ordonnance de non-lieu n'apporte ni la vérité ni la justice à Aguagué, qui attend avec détermination celle de la chambre de l'instruction, dont la date risque d'être lointaine. Voilà donc le communiqué de presse du collectif Justice et Vérité pour Babacar. Et nous vous invitons à continuer à soutenir les combats d'Agua du collectif pour Babacar et plus largement les réseaux d'entraide Vérité et Justice composés de plusieurs familles des victimes de violences policières et aussi des mutilés. Pas de justice, pas de paix. Merci beaucoup pour ces informations, pour ce partage et force à Awa et à tous ses soutiens et plus largement à toutes les victimes de violences policières et leurs familles. Et ça va être la fin de notre émission. Donc on vous rappelle juste que le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on se retrouve tous les premiers, troisième et quand il y en a cinquième mercredi du mois, à la CNT, au 33 rue des Vignoles, à 20h. Donc voilà, c'est une assemblée ouverte, vous pouvez venir échanger avec nous. Et vous rappelez aussi que cette émission est transformée en podcast et mise en ligne sur le blog de la Jungle des Luttes. Si vous tapez Jungle des Luttes, voilà, blogspot, vous pourrez nous retrouver. Et également diffusé sur notre Facebook du CSPCL Paris. Voilà, belle soirée ou belle fin de journée à vous. Bye.